Ni là, ni là. Ni ici. C'est vraiment plus par là-bas. Parce que là, il se ferme. Si tu vas vers le... C'est une chaise pliante. C'est une chaise pliante, donc on ne va pas y prendre sur celle-là, mais moi, je vais vraiment checker. Là, tu peux aller. Ouais. Tu peux sur le moment et vas-y. Tu veux remettre tes chaussures? Tu peux bien en faire. Chercher les choses et je te désentends. Lave-toi les mains. Ah oui, t'es tout rouge, toi. Moi, tu feras comme un peu qui m'a un peu au bord tout à l'heure de la fenêtre, au delà de l'ombre. Il y a les moutons, quoi. Oh, je suis arrivée. C'était bien dehors. Ah, t'es toute chaude. C'est chaud. Ouais. De la crème, là. Ouais, t'as bien fait, mais c'est un peu trop chaud. Tu veux pas attacher les cheveux? Pas trop chaud là toi? Non, avant il y avait pas ça. C'est mort. Ouais, il a fait mort qui s'est noyé. Ah merci. Non, je vais chercher un chat. Mets un chat. Je vais venir, je vais aller chercher un chat. Il y en a un là, regarde. Voilà que les kids, là, il y a celui qui a des T'as raison. Thank you.